Amis humains, bonjour. Les inégalités s'accroissent et freinent la croissance. Ce n'est encore qu'un document de travail sobrement intitulé « Tendance de l'inégalité des revenus et son impact sur la croissance ». Officiellement, il n'engage que son auteur, Federico Sangano, économiste à la Banque d'Italie détachée à l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, mais, publié avec l'aval de la Direction de l'emploi de l'OCDE, ce texte lance le débat à l'intérieur de l'institution sur un sujet économiquement et politiquement sensible, l'impact de l'accroissement des inégalités de revenus, à l'heure plus haut depuis 30 ans, sur l'économie. L'économiste italien commence par dresser un panorama général de la situation. Le revenu disponible des ménages, note-t-il, a augmenté en moyenne de 1,6% par an, hors inflation, dans les 20 à 25 années qui ont précédé la crise de 2008 dans l'ensemble des 34 pays de l'OCDE, mais cette augmentation est allée de pair, dans les trois quarts d'entre eux, avec une forte hausse des inégalités de revenus. Jamais en 30 ans, le fossé entre riches et pauvres n'a été aussi prononcé qu'actuellement dans les économies avancées. Aujourd'hui, le revenu des 10% de la population les plus riches est en moyenne 9,5 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. Dans les années 1980, ce ratio était de 7. Les travaux des économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saé et Camille Landel ont montré, les inégalités se sont creusées fortement depuis le milieu des années 1980 sous l'effet notamment d'une très forte progression des revenus des plus riches. Toutefois, la flambée de la part des plus hauts revenus n'est pas seule en cause dans cet accroissement. Les Pays-Bas et la France restent égalitaires. Une double dynamique l'explique en réalité, les riches se sont enrichis davantage et les pauvres se sont appauvris encore plus. Le revenu des 10% les plus défavorisés ayant augmenté beaucoup plus lentement dans les années de croissance et ayant reculé en période de crise. Au point, signale Federico Sangano, que la pauvreté monétaire relative, et, dans certains pays, absolue, s'est à nouveau imposée dans le débat politique dans les économies avancées. L'aggravation des inégalités est également révélée par le coefficient de Gini, un indicateur dont la valeur s'échelonne de 0 en cas d'égalité parfaite de revenus à un site où le revenu va à un seul individu. Dans les pays de l'OCDE, la valeur de ce coefficient était de 0,29 au milieu des années 1980. Elle a depuis augmenté de 3 points pour s'établir en moyenne à 0,32 en 2011-2012 dans 16 des 21 pays pour lesquels on dispose de longues séries chronologiques. Sa progression a été particulièrement forte, plus de 5 points, aux États-Unis, en Israël, en Nouvelle-Zélande mais aussi en Finlande et en Suède, ce à quoi les pays nordiques ne nous avaient pas habitués. En revanche, la Belgique, les Pays-Bas et la France restent des pays égalitaires, tandis que la Grèce et la Turquie sont les seuls à avoir vu se réduire leurs inégalités, après qu'elles eurent pris des proportions inédites. Les économistes débattent depuis des années de l'impact des inégalités de revenus sur la croissance. Sont-elles bonnes ou mauvaises pour la marche des économies? Telle est la question. Les plus libéraux soutiennent qu'elles peuvent stimuler la croissance, ce que contestent de nombreux autres chercheurs. À partir d'une analyse économétrique des données harmonisées couvrant les pays de l'OCDE sur les 30 dernières années, Federico Sangano établit pour sa part que les inégalités de revenus ont une incidence négative, statistiquement significative, sur la croissance à moyen terme. D'après ses calculs, 3 points de Gini en plus feraient perdre 0,35 points de croissance par an sur 25 ans, soit une perte cumulée de PIB de 8,5% à terme. L'aggravation des inégalités aurait ainsi coûté plus de 10 points de croissance au Mexique et à la Nouvelle-Zélande, près de 9 points au Royaume-Uni, à la Finlande et à la Norvège, de 6 à 7 points aux États-Unis, à l'Italie et à la Suède. Ce qui importe le plus en matière de croissance, révèle l'économiste italien, c'est l'écart entre les ménages à faible revenu et le reste de la population. En revanche, selon le chercheur, rien ne permet d'affirmer que l'accroissement des inégalités par le haut de la distribution nuit à la bonne marche des économies. Autrement dit, la France aurait pu s'épargner, au moins sur le plan économique, le feuilleton de la taxe à 75% sur les très hauts revenus, effet sur l'instruction et la formation. Ce n'est pas seulement la pauvreté ou le revenu des 10% de la population en bas de l'échelle qui inhibe la croissance, mais plus globalement le sort réservé aux 4 premiers déciles de revenus, les 40% les plus défavorisés. C'est parmi eux que se trouvent les classes moyennes inférieures vulnérables qui risquent de ne pouvoir ni bénéficier de la reprise et de la croissance future ni apporter leur contribution. Pourquoi ? Parce qu'en entravant l'accumulation du capital humain, les inégalités de revenus compromettent les possibilités de s'instruire pour les personnes défavorisées et limitent la mobilité sociale et professionnelle. Les conclusions que les politiques peuvent tirer de cette analyse s'imposent d'elles-mêmes, loin d'être antinomiques. Le combat pour la croissance et la lutte contre les inégalités doivent aller de pair. Au passage, l'économiste italien précise que les politiques de redistribution ne nuisent pas à la croissance, à condition qu'elles soient bien ciblées et centrées sur les outils les plus efficaces. Dans la droite ligne d'autres travaux de l'OCDE sur l'éducation et la formation, il propose de privilégier les familles avec enfants et les jeunes, qui prennent des décisions déterminantes en matière d'investissement dans le capital humain et d'encourager le développement de compétences et la formation tout au long de la vie. À bientôt, grosse bise numérique.